viens faire un tour dans mon monde. C'est pas si terrible. Comment sourire quand les larmes dessinent des riches, des bits, des rimes, tricards, mais les esprits sont lucides. Où vouloir le bien de l'homme est un suicide. Avale ta haine, on fera essuyer tes pardons. Où la peine n'a de place assise que sur les cartons. Balance les cartes, dépoussole les oui nous boitons. Le reflet d'une paire de couilles dans l'œil d'un maton. Mat-mat c'est crade, on se pète la tête au pack-pack, c'est grave. Sous les poids des regrets quand le flashback t'écrase. Me parle pas de tiers-monde, t'es facile à faire taire. Sous votre traversant ta cristalline à terre. Oui c'est la merde partout, même si tu sens que la tienne attachée à de fausses valeurs en espérant que ça tienne. Les opposés s'attirent, et tu voudrais de l'amour hein. Attrape ton chasse, va-t'en égorger le glamour. Viens, viens dans mon monde, viens faire un tour sur ma planète. Où l'espoir s'éteint, où l'horizon n'est pas net. Où la mort et l'horreur portent un opaque, n'aie pas peur. Y'a pas de vacances, on s'évacue dans des vapeurs. Viens, viens dans mon monde, viens faire un tour sur ma planète. Aveuglé par le mal, j'éteins nos manettes. Pourquoi vouloir de l'amour quand le sang n'est pas si rare. Tu sais ici, violer tes gosses n'est pas si grave. Coupable ou innocent, la tête plantée sur un piquet. La flamme de l'enfer, le cancer au bout du briquet. Ramène tes anges, les ferai passer pour des mufles. Perds pas ton temps, ici les moutons bouffent des buffles. Givre sur les lèvres, crachant ta peine dans la brise. À deux doigts du bonheur, mais tu les as mis dans la prise. Quand le chétan fait la bise, tu t'en la joues et claques un selfie. Me dis pas que t'en as marre de cette vie. Révolutionnaire du web, assez loin de la castagne. Dans leur vocabulaire, le mot paix n'est qu'un hashtag. On s'entasse, boit tous les jours les mêmes tasses. Le plus violent de tes démons est une tasse. La sueur d'un esclave pour remplir ton œuf de Pâques. Le jugement dernier n'est pas une épreuve de bac. Mate un peu tes épaules et dis-moi qui te retient. L'enfer que je te décris, mais ce monde est le tien. Viens, viens dans mon monde, viens faire un tour, tu verras c'est d'art. Aveuglé par la fumée, poison dans le pétard. Le soif UNICEF fabriqué par des mioches. Soif de pétrole, la fin signée par des pioches. Viens, viens dans mon monde, viens faire un tour, tu verras c'est d'art. La joie du démon, ambiance la danse du fêtard. Où tes péchés n'ont d'égal que tes sentiments. La solitude a pris la place du châtiment. Stop the record now at the band. Start the record at this point.